se plaint sous le sceau d'Irlandais. Des mots tendres que tu me disais, et tandis que les fleurs tombaient, je voulais disparaître à jamais. Tu es le plus beau de tous mes remords. Quand tu glisses contre mon corps, la police et tous les ports, contre nous ne peuvent rien. Je ne voudrais pas mourir maintenant. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de vent que je ramasserai l'amitié dans la tête. Une rafale, une mitraillette. Tu es le plus beau de tous mes romans. Et quand tu glisses contre mon corps, la police et tous les ports, contre nous, nous peuvent rien. Je voulais disparaître à jamais.